toutes et à tous, on se retrouve pour l'émission livresque Préface pour parler bouquins autour de thèmes variés, tout ça avec des propositions musicales. Et le thème aujourd'hui, c'est l'univers des livres, les bibliothèques et les papeteries plus exactement. Allez, c'est parti! Une émission littéraire qui parle de l'univers des livres, pas trop compliqué comme thème. Eh bien si, parce que les livres c'est complexe, surtout que je vais vous présenter deux œuvres totalement différentes que sont Le Maître des Livres et La Papeterie de Tsubaki, un manga et un roman. Leur point commun, les histoires et surtout l'imagination. On va commencer par ce roman que j'ai découvert il y a peu de temps, qui s'intitule La Papeterie de Tsubaki d'Ito Ogawa. L'histoire se concentre sur Atoko, une jeune femme de 25 ans, de retour à Kamakura, dans la petite papeterie que lui a léguée sa grand-mère, une femme sévère et exigeante qui exerçait le métier d'écrivain public. Elle lui a enseigné cet art difficile qu'est d'écrire pour les autres, que ce soit le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l'encre, l'enveloppe, le timbre, tout est important dans une lettre. Et la jeune femme répond à des demandes variées. Elle peut autant calligraphier des cartes de vœux, rédiger un mot de condoléance pour le décès d'un singe, des lettres d'adieu ou encore des mots d'amour, des missives qui nous font donc sourire, qui nous font aussi réfléchir, voire pleurer. Atoko rend donc service à ses clients avec bonheur pour résoudre un conflit ou apaiser un chagrin. Et c'est grâce à son talent que la papeterie Tsubaki redevient un lieu de partage et de réconciliation inattendue. Ce qui est très intéressant dans cette lecture douce et pleine de poésie, c'est l'envers du décor de l'écriture. Comment on réfléchit au sens des mots, ce qui est encore plus difficile en japonais, où le choix du kanji ou du katakana hiragana peut changer la perception du mot. Comment on laisse aussi son imagination parler, mais surtout comment est-ce que l'on écrit pour l'autre. Écrire, c'est un acte naturel pour les écrivains, et aussi pour nous tous. Une simple liste de courses est une façon de s'exprimer par l'écrit, mais écrire pour les autres est moins commun. Il faut se mettre à la place de l'autre, alors qu'aujourd'hui on écrit plutôt pour soi et sur soi, à destination des autres. Donc ce petit détail dans cette lecture m'a fait réfléchir sur l'acte de l'écriture. On écrit, on partage, mais on peut aussi écrire pour les autres. Un peu comme l'ami de Fukaeli dans 1Q84 de Murakami, qui écrit à la place de son ami, étant donné qu'elle est dyslexique. Donc tout ça pour dire qu'à l'ère du tout pour soi, les petits gestes du quotidien peuvent aussi être faits pour les autres en fait. Ensuite, deuxième point que j'ai évoqué au début, qui est l'imagination. Je ne sais pas s'il vous arrive d'écrire, de réaliser, ou même seulement de vous imaginer des histoires, mais cette phase de réflexion est souvent la plus dure. On a la première idée, mais après il faut trouver le ton, la forme et développer tout ça. Et Atoko, dans son métier d'écrivain public, elle est encore plus contrainte. Parfois elle n'a aucune indication, ou très peu, sur ce que les personnes veulent, quel est le ton à employer, quelle formule de politesse utiliser, et surtout comment imaginer le contenu parfait, ou du moins qui s'en rapproche le plus, pour écrire la lettre. Est-ce qu'il faut relater une partie de l'histoire qui a été confiée par le client ? Comment le faire dans ce cas ? Ou alors, mieux vaut-il taire l'expérience passée et laisser place au futur ? Donc tout un tas de questions qui laissent place à de nombreuses réflexions, mais le roman les sous-entend et se concentre plutôt sur l'aspect poétique de la chose. Donc pour rester un petit peu dans l'esprit de poésie et d'imagination, on va écouter un classique de rock pop, Imagine de John Lennon, qui incite aussi à l'entraide à tous les niveaux. Je vous laisse écouter, à tout à l'heure. Imagine there's no heaven. Yeah. Imagine de John Lennon. Revenons quand même au sujet de l'émission du jour qui est l'univers des livres. Et quel meilleur endroit pour dévorer des bouquins qu'une bibliothèque ? Alors le mangaka Umiharu Shinohara nous emmène à la bibliothèque pour enfants La Rose Trémière au travers de son manga Le Maître des Livres qui est paru entre 2011 et 2018 et qui a été édité en 15 tomes. Dans ce lieu où la lecture est reine, on y rencontre forcément Miko Shiba, le bibliothécaire binoclard au caractère bien trempé. Mais au-delà de ses apparences trompeuses, cet homme est un professionnel et surtout un passionné. Son pouvoir, si l'on peut dire, c'est de conseiller le bon livre au bon moment à ceux qui viennent vers lui. C'est sur ce point qu'il a su se faire une réputation et que de nombreuses personnes viennent lui demander conseil, que ce soit des adultes ou des enfants récalcitrants à la lecture. Ce manga m'a tapé dans l'œil dans le traitement qu'il fait de la lecture d'ailleurs. Il revient sur un point fondamental de l'acte de la lecture, qui est l'imagination. Quand on est enfant, on se plonge dans les livres, on imagine vivre l'histoire, et encore aujourd'hui pour certains. Et dans ce manga, on plonge littéralement dans les livres lus. Par exemple, dans le premier tome, l'un des enfants lit L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Et on découvre ou redécouvre l'histoire, les personnages, comme celui qui lit, tout ça avec un peu d'image. Donc on entre vraiment dans le livre. Et le livre, du coup, devient un pont entre la vraie vie et l'imagination. Et comme Miko Shiba aime le dire, ce n'est pas toi qui choisis les livres, mais ce sont les livres qui te choisissent. Un peu comme Harry Potter, c'est le livre qui choisit le lecteur. C'est aussi le livre qui crée des liens entre les enfants, mais aussi entre les adultes et entre les enfants et les adultes. Donc les lectures font partager les gens entre eux. Est-ce que tu as lu ce livre ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Pourquoi ? Cette relation à la lecture peut même créer une certaine compétition entre les lecteurs, mais pas seulement, car le talent du bibliothécaire fait aussi des jaloux et de l'incompréhension de la part de certains. Cette compétition engagée par un jeune libraire envers Miko Shiba amène d'ailleurs une explication plus pratique du fonctionnement d'une bibliothèque, comment elle s'approvisionne en livres, comment elle est financée, etc. Mais ça, j'en parlerai certainement plus en détail dans une autre émission. Donc Le Maître des Livres, c'est donc plus qu'un manga qui parle de livres et de bibliothèques, c'est aussi un manga qui parle de relations humaines et d'imagination. La lecture n'est pas qu'un monde de solitude, c'est aussi un monde d'évasion et de partage. Pour clore cette émission, on va écouter une dernière musique, qui est At the Library de Green Day, qui raconte tout simplement une belle rencontre à la bibliothèque. A tout de suite. Try to find the words I give you. c'est sur ce titre de At the Library de Green Day, qui est tiré de leur album en français 39 Smooth, que l'émission se termine. J'espère qu'elle vous aura donné envie de lire ou de relire ses œuvres et qu'elle vous aura fait découvrir de nouvelles choses. Pour les informations pratiques, la papeterie Tsubaki de Ito Ogawa est disponible aux éditions Piquier au prix de 20 euros. Et Le Maître des Livres est édité en 15 tomes chez Komiku au prix de 8,50€ l'unité. Voilà, c'est tout pour les informations pratiques. Après cette émission, vous pouvez retrouver Europe & Roll à 17h30, puis On Accès à Foot de 18h à 19h en direct sur Fadjet. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bonne lecture. Salut!